Réparer se dit Reparieren. Reparieren. Oui. Donc, je le répare, je répare cela se dit Ich repariere es. Ich repariere es. Oui. Et il répare cela Er repariert es. Er repariert es. Avec ces verbes en ieren, dont beaucoup sont issus du français, on a le même phénomène qu'avec les verbes comme verkaufen, dont le préfixe est inséparable. Quand on plonge dans le passé, on n'a pas de GE au début. Donc pour j'ai réparé cela, on dira simplement ich habe es repariert et pas gerepariert. Donc sans le GE initial. Repariert. Organiser en allemand est un autre verbe en ihren qui vient du français. Comment dit-on organiser? Organisieren. Organisieren, oui. Donc, il a organisé cela, se dira. Er hat es organisiert. Er hat es organisiert. Très bien. Contrôler, un autre verbe en ihren, se dit kontrollieren. Donc, pour il a contrôlé cela, vous direz. Er hat es kontrolliert. Er hat es kontrolliert. Et c'est contrôlé, se dira. Es ist kontrolliert. Es ist kontrolliert. Oui. Comment direz-vous c'est très bien organisé? Es ist sehr gut organisiert. Bien. Es ist sehr gut organisiert. Et il a organisé cela? Er hat es organisiert. Er hat es organisiert. Et tout est très bien organisé. Alles, alles ist sehr gut organisiert. Bien. Alles ist sehr gut organisiert.